Bismillah, salatu selam ala Rasulillah sallallahu aleyhi ve sellem. Kâle şeyhu Sa'di rahimahullahu teala. Fasl fil mes'i ala al-khuffeyni vel-cebira. Ve kad teqaddeme enne at-tabwib leysa lil-şeyh. Fâkhta'tu fi qawli kâle şeyh, liannehu ma kâl fil haqiqati, ve innema huwa min fi'l. Donc là, on va parler, inshallah ta'ala, de al-mas'al khuffayn wal-jabira, qui est en fait ce qui se met pour consolider le bras ou la jambe ou autre. Donc il dit, c'est-à-dire le bab, c'est fil mas'i ala al-khuffayn wal-khuffi ou al-khuff. يطلق عليه في اللغة ما يلبس على الرجل من الجلد. الخف, c'est ce qui est sur le pied et qui est en cuir, qui est en cuir. أما في اصطلاح العلماء, en ce qui concerne dans la définition des savants, eh bien الخف, c'est ce qui recouvre le pied jusqu'aux chevilles ou plus, qu'il soit en cuir ou autre. Qu'il soit en cuir ou autre. C'est-à-dire que le fait qu'on dise que ce soit autre que le cuir, ça implique qu'on peut essuyer sur autre que le cuir. والخف أو المسح على الخف, والمسح هو إمرار اليد المبلولة على الشيء. المسح, c'est-à-dire le fait d'essuyer, c'est de passer la main mouillé sur l'endroit qui doit être essuyé. Donc le mas' al-khuffayn, il est thabit fil kitab wa sunnah wal ijma', c'est-à-dire qu'il est dans le kitab, dans le sunnah et dans l'ijma' de l'ulama. Qala Allah ta'ala, ya ayyuha alladhina amanu idha quntum ila as-salati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم. هذا في قراءة حفص. وفي قراءة أخرى, وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم بكسر اللام. Donc dans le verset, Allah Azza wa Jalla, il dit: Ô vous qui avez cru lorsque vous levez pour prier, lavez-vous le visage, les bras jusqu'au coude, essuyez vos têtes et vos pieds. Yani, essuyez vos têtes et vos pieds. C'est-à-dire que l'essuyage, il est valable pour la tête et pour le pied, comme il a été dit dans le verset et comme l'a expliqué al-ulama. En ce qui concerne la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien il y a de nombreux hadiths qui se comptent par dizaines sur le fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyait sur al-khuf, c'est-à-dire les chaussettes en cuir. Les chaussettes en cuir. Donc parmi les adillah, c'est le hadith de Al-Mughira ibn Shu'ba qui est rapporté dans les deux recueils authentiques où il a apporté de l'eau au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'il fasse ses ablutions. Et lorsque Al-Mughira ibn Shu'ba a voulu enlever les chaussures du prophète sallallahu alayhi wa sallam, eh bien le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: laisse-les, je les ai mises alors que j'étais pur. Et il a essuyé sur ses chaussures ou sur ses chaussettes, sur ses khoufs, alayhi salatu wassalam. Et ce hadith est rapporté dans les deux recueils authentiques, et il y a une multitude de hadiths qui se comptent par dizaines. Donc ce qu'il faut savoir, mes très chers frères, c'est que les ulama, les savants de la croyance, de l'aqida, wada'u fi kutub al-i'tiqad, ils ont mis dans les livres de la croyance مسألة cette mas'ala qui est le fait d'essuyer sur les chaussettes en cuir. Pourquoi ? Puisque c'est une mas'ala où il y a eu un nizah entre Ahl Sunnah wal Jama'a et Ahl al-Bid'ati wal Dalal. C'est-à-dire qu'il y a eu une divergence entre les gens de la Sunnah et les gens de l'innovation sur le fait d'essuyer sur les chaussettes en cuir. Et notamment Al-Khawarij wal-Rafida, qui remettent en cause le fait que tu essuies sur les chaussettes ou sur les chaussettes en cuir. Alors qu'il y a le consensus de Al-Sunnah wal-Jama'a sur le fait qu'on peut essuyer sur les chaussettes en cuir. C'est pour ça qu'il dit Sufyan al-Thawri rahimahullah ta'ala, Man lam yamsah ala al-khuffain fattahimuhu ala dinikum. Celui qui n'essuie pas sur les chaussettes en cuir, eh bien certainement il a un problème dans la religion. Wa qala Sheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, wa qad tawatarat السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بالمسح على الخفين وبغسل الرجلين والرافضة تخالف هذه السنة كما تخالف الخوارج نحو ذلك. Donc il dit sur l'islam, eh bien les textes sont tellement nombreux sur l'essuyage des chaussettes en cuir et sur le lavage des pieds. Cependant, les rafidhi عليهم اللعائن, ils ont, c'est-à-dire les chiites, ils ont été à l'encontre de cette sunna, comme les kharijites ont été à l'encontre de cette sunna. Amma al-mashu ala al-rijlay, en ce qui concerne le fait d'essuyer sur le pied, qui est une action qui est faite par les chiites, ils ne lavent pas leurs pieds eux, lorsqu'ils font les ablutions. Ils essuient sur leurs pieds et ceci est une obligation pour eux. Al-wajib indahum al-mas'hu ala al-rijl. L'obligation pour eux c'est d'essuyer le pied, non pas de le laver. Ceci est une innovation. Donc il dit Cheikh al-Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, man masaha ala rijlayhi fa huwa mubtadi' mukhalifun lis-sunnah al-mutawatirah وللقرآن ولا يجوز لأحد أن يعمل بذلك ما أمكن الغسل. Donc il dit sur l'islam que celui qui a essuyé sur ses pieds, eh bien c'est un innovateur qui a été à l'encontre de la tradition du prophète sallallahu alayhi wa sallam et du Coran. Il est interdit pour toute personne d'essuyer sur ses pieds s'il a la capacité de les laver. Donc on a dit précédemment, mes frères, qu'il y avait le consensus des savants sur le fait que nous pouvions essuyer sur les chaussettes en cuir. Et c'est pour ça qu'il est rapporté de Abdullah ibn Mubarak où il dit « Laysa fil mashi ala al-khuffayn 'inda as-sahabati khilaf ». Il dit il n'y a aucune divergence sur le fait d'essuyer sur les chaussettes en cuir entre les compagnons. C'est-à-dire que tous les compagnons sont d'accord. Il y a le consensus des compagnons sur le fait que tu peux essuyer sur les chaussettes en cuir. Est-ce qu'il y a un munazir? Est-ce que quelqu'un va venir nous dire, Mathalan? Non. Le consensus des compagnons, il n'est pas bon. Est-ce que quelqu'un va venir dire ça? Non. Mais quand tu rapportes le consensus des compagnons radiyallahu ta'ala anhum fi takfiri tarik salat, par exemple, lorsque tu dis il y a consensus des compagnons sur le fait que celui qui délaisse la prière c'est un kafir, d'après le athar de Tariq ibn Shafiq, eh bien ils disent non, il y a un khilaf. Il n'y a pas de khilaf. Il y a le consensus des compagnons. Et après un consensus, la yajouz al-khilaf ba'd al-ijma'. Il ne peut pas avoir un consensus après, il ne peut pas avoir une divergence après qu'il y ait consensus. Comprenez? Donc c'est pour ça que le khilaf qui est apparu après, C'est un khilaf qui n'est pas bon en réalité. Sur Tariq Salah, je parle. Il dit Hassan al-Basri, rahimahullah, حدثني سبعون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه مسح على خفيه. Il dit Hassan, 70 compagnons m'ont rapporté qu'ils essuyaient sur leurs chaussettes en cuir. Donc il est autorisé, bilijma, avec le consensus, d'essuyer sur les chaussettes en cuir. Il dit, As-Sa'di rahimahullah ta'ala, et maintenant c'est sa parole, فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ خُفَّانْ وَنَحْوَهُمَا أَوْ نَحْوُهُمَا. Regardez l'imam, qu'est-ce qu'il dit, rahimahullah. فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ خُفَّانْ أَوْ نَحْوُهُمَا مَسَحَ عَلَيْهِمَا. Donc il dit, فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ خُفَّانْ, s'il avait les chaussettes en cuir, eh bien, خلاص, nous avons dit qu'il y avait le consensus sur le jawaz, sur l'autorisation d'essuyer. Mais il dit, وَنَحْوُهُمَا, c'est-à-dire quelque chose qui est comme les chaussettes en cuir. Et ceci nous rapporte une mas'ala qui est nouvelle. Quelle est-elle? C'est هَلْ يُلْحَقْ الْجَوْرَبْ بِالْخُفْ. Est-ce que nous pouvons considérer que les chaussettes sont comme les chaussettes en cuir? Yani les chaussettes normales que nous mettons actuellement en laine, est-ce que nous les considérons, ou est-ce que Sharia les considère dans le fait d'essuyer comme des chaussettes en cuir? Donc il faut savoir qu'il y a un khilaf entre Ahl al-Ilm sur ce sujet-là. Et que la majorité des savants, ils considèrent que c'est jaiz, le fait d'essuyer sur les chaussettes en laine. Bien sûr, nous allons expliquer. Et que l'imam Malik, rahimahullah ta'ala, yamna'u dhalik. L'imam Malik, il voit que nous n'avons pas le droit d'essuyer, entre autres, puisqu'il y a une jama'a de sahaba qui essuie sur les chaussettes, et il y a une jama'a de salaf qui interdisent le fait d'essuyer sur les chaussettes. Entre autres, il y a l'imam Malik, rahimahullah ta'ala. والصواب والصحيح, et ce qui est le plus authentique, c'est que le jawrab yulhaqu bil khifaf, c'est que les chaussettes, elles sont considérées comme des chaussettes en cuir, comme al khuf. واستدلّ من قال بالجواز, et ils ont pris comme preuve ceux qui ont permis le fait d'essuyer. Ils ont pris la première preuve qu'ils ont pris, c'est le hadith de Abi Moussa al-Ash'ari, qui est rapporté entre autres par l'imam Ahmed, où il dit أن النبي عليه الصلاة والسلام توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. Le prophète صلى الله عليه وسلم, il a fait ses ablutions et il a essuyé sur ses chaussettes et sur ses claquettes. Ça, c'est le premier hadith. Nous allons expliquer, incha'Allah ta'ala. Il est rapporté aussi par Al-Khamsa, c'est-à-dire par Abu Daoud, wa Tirmidhi, wa Ibn Majah, wa Nasa'i, wa l'imam Ahmad, d'après Al-Mughir ibn Shu'bah, anna al-Nabiya sallallahu alayhi wa sallam masaha ala al-jawrabayn. Il a essuyé sur les chaussettes. Il est rapporté aussi dans le Musnad de l'imam Ahmad et dans Sunan Abi Daoud, wa Mustadrak al-Hakim, d'après Thauban, un peuple est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ils ont dit oui, il fait froid, etc. Il a dit animsahu ala at-tasakhin, essuyez sur les chaussettes at-tasakhin qui sont épaisses. Donc tous ces hadiths là, les trois hadiths que j'ai cités, certes, il y a des savants contemporains qui les authentifient, entre autres l'Albani rahimahullah. Mais ces trois hadiths que j'ai cités, aucun de ces trois hadiths n'a été épargné par les paroles des savants de l'hadith dessus. Que ce soit le hadith de l'Mughira qui est un hadith da'if, où il dit Masaha ala al-jawrabayn, wa hada khata. Et même Abdurrahman ibn Mahdi, khata'a man qala bihi. Ou l'autre hadith d'Abu Moussa al-Ash'ari, où il a été rendu faible par une jama'a de muhaddithin. Ou même le dernier hadith qui est le meilleur des trois sur Tasakhin, mais la yakhlou min al-kalam. C'est-à-dire les savants, ils ont parlé de le hadith aussi dessus. Lorsque je parle des savants de le hadith, je ne parle pas des savants contemporains. Je parle de beaucoup de savants qu'ils ont dans tous les siècles. Donc le meilleur dalil sur le fait d'essuyer sur les chaussettes, quel est-il? Eh bien c'est le qiyas, c'est l'analogie. Le meilleur dalil pour nous, et pour nous qui considérons que ces hadiths, les trois hadiths que nous avons cités, ils ont une faiblesse, eh bien c'est l'analogie, qui est une bonne analogie. Car il n'y a pas de différence entre la chaussette épaisse, et je précise bien épaisse, et al-khouf, et la chaussette en cuir. Tayyib. Pour celui qui considère que les hadiths que nous avons cités, ils sont authentiques. Et ceci est une mas'ala qui est importante, et nous considérons qu'ils ne le sont pas. Tayyib. Pour ceux qui considèrent que ces hadiths sont authentiques, eh bien, il a le droit d'essuyer sur des chaussettes qu'elle soit fine ou épaisse. Pourquoi? Parce que les hadiths ja'u ala itlaq. Ils sont venus généraux. Lam yubayyin al-hadith al-jawrab. Akana thakhinan ou khafifan. Donc celui qui considère que les hadiths sont authentiques et nous ne le considérons pas, c'est-à-dire il considère que nous avons le droit d'essuyer sur des chaussettes épaisses comme nous avons le droit d'essuyer sur des chaussettes fines. Tayyib. Et ceci, il y a une divergence entre les savants. Et la majorité des savants, ils considèrent que nous n'avons pas le droit d'essuyer sur des chaussettes fines. Mais si tu authentifies les hadiths et tu les considères comme étant des hadiths authentiques, eh bien, ça implique que tu as le droit. Donc, l'avis le plus authentique, c'est que tu n'as pas le droit d'essuyer sur des chaussettes fines. Premièrement, parce que les hadiths, ils ne sont pas authentiques. Et le plus authentique des trois, c'est-à-dire le meilleur des trois, c'est At-Tasakhin. C'est les chaussettes épaisses. Puis, la deuxième chose, c'est que lorsque nous faisons l'analogie entre les chaussettes en cuir et les chaussettes qui sont fines, eh bien, il y a une grande différence entre les deux. Car les chaussettes en cuir, entre autres, tu peux marcher dessus dans la rue sans que tu déchires complètement la chaussette en cuir ou que tu ressentes quelque chose. Alors que la chaussette fine marche avec, il te suffit de faire 4 ou 5 pas pour la déchirer complètement. Donc ce n'est pas l'avis qui est considéré chez la majorité. Et que la majorité, il conditionne le fait d'essuyer sur les chaussettes qu'elles soient épaisses. Et c'est pour ça que beaucoup de frères, masakin, ils essuient sur des chaussettes qui sont très fines. Des fois, des chaussettes où tu vois même la peau des gens, les chaussettes, les bourgeois là. Eh bien, ils essuient dessus alors que il doit laver ses pieds normalement, car l'essuyage sur ces chaussettes-là n'est pas valable. L'essuyage sur ces chaussettes-là n'est pas valable. Donc, mes très chers frères, il y a une autre mas'ala qui est en relation avec le mas'h ala al-khuffayn, qui est à partir de quel moment débute al-mas'h. Puisque nous allons voir par la suite que al-mas'h, il dure pour celui qui n'est pas en voyage, qui est muqim, une journée et sa nuit, et que pour celui qui est en voyage, il dure 3 jours et 3 nuits. Allez, les 3 jours et les 3 nuits. Mais à partir de quel moment commence-t-il? C'est-à-dire al-mas'h. Le tawqit. Donc il y a une divergence aussi à propos de ce sujet. Et les savants ont divergé sur deux avis, même nous dirons peut-être trois, mais le troisième nous le citons pas car il est rejeté à sa base. Le premier avis, c'est l'avis de la majorité, c'est que ceci commence à partir du hadith, à partir du moment où la personne a annulé ses ablutions. Tayyib. Quant au deuxième avis, et c'est l'avis de la majorité, le premier, le deuxième, c'est qu'il commence à partir du masah. À partir du moment où la personne a l'essuie. Vous comprenez? C'est-à-dire que la personne, à partir du moment où elle a essuyé une première fois sur ses chaussettes en cuir, c'est à partir de ce moment-là que commence at-tawqit. Et non pas à partir du moment où il a annulé ses ablutions. Je vous donne un exemple, mathalan. Si la personne, il met, après dhuhr, il met ses chaussettes en cuir. Tayyib, et ceci est pour le premier avis. Il met ses chaussettes en cuir après dhuhr. Il a les ablutions, puis il annule ses ablutions tout de suite après avoir mis ses chaussettes en cuir. C'est-à-dire que tawqit, il commence à partir de après dhuhr. Vous comprenez? Mais si nous considérons le deuxième avis qui commence par le masah, et que la personne a mis ses chaussettes en cuir après dhuhr, et tout de suite après il a annulé ses ablutions, et il a essuyé ses pieds, yani ses chaussettes en cuir à partir de l'asr, juste avant l'asr, eh bien le tawqit il commence avant l'asr et non pas à dhuhr. Vous comprenez? Et c'est l'avis, le deuxième, qui est le plus authentique. Car le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes ses paroles, « Allaqa at-tawqit bil-mas'h, la bil-labs. » Donc le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans toutes ses paroles, généralement, il a attaché la période, non pas au fait de mettre la chaussette, mais plutôt au fait de essuyer. Au fait d'essuyer sur la chaussette. Donc il dit, rahimahullah ta'ala, فَإِنْ كَانَ عَلَيْهِ خُفَّانَ وَنَحْوُهُمَا مَسَحَ عَلَيْهِمَا إِنْ شَاءَ يَوْمًا وَلَيْلَةً لِلْمُقِيمِ وَثَلَاثَةُ أَيَّامٍ بِلَيَالِيهِنَّ لِلْمُسَافِرِ بِشَرْطٍ أَنْ يَلْبَسْهُمَا عَلَى طَهَارَةٍ أن يلبسهما على طهارة. Donc là, al-musannif rahimahullah, il a parlé d'une condition qui est importante. C'est que la personne, il ne peut essuyer sur ses chaussettes en cuir ou ses chaussettes épaisses que si cet essuyage-là est précédé par une ablution complète. Par une ablution complète. Vous comprenez? C'est que la personne, il est à la tahara. Et ceci, bi-ijma'. Il n'y a pas de khilaf entre les savants sur ce sujet-là. Que la personne, il doit avoir les ablutions pour pouvoir essuyer. C'est pas, il n'a pas les ablutions, il a des chaussettes, il fait le dos, il essuie. Non. Son dos, il est batl. Il faut qu'il ait les ablutions complètes, puis qu'il mette ses chaussettes et il va essuyer. Vous comprenez? Donc il dit Ibn Qudama rahimahullah ta'ala, la na'lamu khilafan fi ishtirat taqdim at-tahara li jawaz al-mas'h 'ala al-khuffayn. Il dit, nous connaissons pas de divergence sur le fait que il faut absolument avoir les ablutions pour pouvoir essuyer sur les chaussettes en cuir. Et il dit, entre autres, l'imam Shanqiti rahimahullah ta'ala, qui est contemporain Mohamed Amin, أجمع العلماء في اشتراط الطهارة المائية للمسح على الخفين. Il dit, il y a consensus de tous les savants sur le fait de conditionner l'autorisation d'essuyer sur les chaussettes en cuir par le fait que la personne ait les ablutions qui le précèdent. Il a précisé, lui, rahimallah, اشترط طهارة مائية. C'est-à-dire que la personne, il fait les ablutions pas sèches, les ablutions avec l'eau. Les ablutions avec l'eau. والدليل على هذا الإجماع لأن كل إجماع له دليل من الشرع. Tous les consensus, faut pas croire que les consensus ils viennent comme ça. Les consensus ils ont une base dans la législation, que ce soit dans le Kitab ou le Sunna. Eh bien le dalil c'est la parole du prophète صلى الله عليه وسلم lorsqu'il était avec le Mughira ibn Shu'bah dans les deux recueils authentiques, lorsqu'il a fait ses ablutions et que le Mughira a voulu enlever ses claquettes ou ses chaussures, et le prophète صلى الله عليه وسلم a dit laisse-les, je les ai rentrés propres, dans le sens où lorsqu'il a mis ses claquettes, il avait les ablutions. Alayhi salatu wassalam. Lorsqu'il a mis ses claquettes ou ses chaussures, il avait les ablutions, sallallahu alayhi wa sallam. Donc tawqit, il dit, l'auteur rahimahullah, que c'est un jour et une nuit pour celui qui n'est pas en voyage. Et trois nuits et trois jours pour celui, ou trois journées et trois nuits pour celui qui est en voyage. Donc certains, ils ont considéré qu'il y a une divergence aussi sur tawqit. Malgré que tawqit, il est wadih dans l'adil al-shar'iyya. Mais il y a une divergence entre les savants. Certains ont considéré qu'il n'y a pas de tawqit. Qu'il n'y a pas de tawqit. C'est que la personne, il est suit à la tôle. Et si elle avait entre autres de Ibn Umar, qui est un compagnon du prophète sallallahu alayhi wa sallam, al-Hassan al-Basri rahimahullah ta'ala, qui a été rapporté d'eux qu'ils ne voient pas de tawqit. Ils ne voient pas de tawqit. Et la preuve de leur parole à eux qu'ils ont utilisée, c'est le hadith qui est rapporté par Anas, où il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, « إِذَا تَوَضَّأَ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَلَا يَخْلَعْهُمَا إِنْ شَاءَ إِلَّا مِنَ الْإِلَّا مِنْ جَنَابَةِ. طيب là, il n'a pas waqqat le Nabi sallallahu alayhi wa sallam. Il a dit que, là, dans le hadith d'Anas, il dit que l'un de vous, s'il veut, il met ses chaussettes en cuir et qu'il essuie dessus, tant qu'il veut. Sauf lorsqu'il a les grandes ablutions à faire, c'est-à-dire lorsqu'il a qu'il est en état d'impureté majeure. Le deuxième avis, c'est l'avis de la majorité, qui est le tawqid qu'a cité Cheikh Rahimahullah, l'imam Sa'di Rahimahullah Ta'ala. Et ceci est construit sur le hadith de Ali, radiyallahu ta'ala anhu, où il dit, « Ja'ala al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam lil muqim yawman wa layla, wa lil musafir thalath ayyam, وَلَيَالِهِنَّ وَالْحَدِثَ رَهُ مُسْلِمْ. Donc Ali il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prescrit pour le fait d'essuyer sur les chaussettes en cuir un jour et une nuit pour celui qui est pas en voyage et trois jours et ses nuits pour celui qui est en voyage. Donc celui qui est pas en voyage, il essuie une journée et sa nuit, et celui qui est en voyage, il essuie trois jours et trois nuits. Ça est l'avis de la majorité, c'est l'avis le plus authentique. Comment nous répondons au hadith qu'il a cité, avec lequel ils se sont appuyés l'autre avis? Nous disons que le hadith, il est mutlaq. Et que le hadith de Ali, il est muqayyad. C'est-à-dire que le hadith de Anas, il est général, il est sans qayd. Et que nous sommes obligés de haml. Nous devons absolument prendre la généralité et la particulariser, car nous avons une preuve. Car nous avons la preuve. Ensuite, est-ce que nous pouvons rajouter sur trois jours? Est-ce que nous pouvons rajouter sur trois jours? Eh bien, il y a un hadith, et certains savants ont considéré qu'il était autorisé de faire plus que trois jours lorsqu'on en a besoin dans l'essuyage des sur les chaussettes en cuir, en cas de besoin. Et ceci est d'après le hadith qui est rapporté par Uqba ibn Amir. Et le hadith est rapporté par Ibn Majah et Daraqutni. Et Daraqutni a dit isnaduhu sahih. Et Daraqutni min kibar al-a'imma fil hadith. Daraqutni, haqiqatan, c'est un grand imam dans le hadith. Bon, il a sahih le hadith. Il dit, Uqba ibn Amr, il était fcham. Il était en voyage. Et il est parti de son voyage le vendredi. Et il est arrivé à Médine le vendredi. Et lorsqu'il a vu Omar, Ibn al-Khattab, il a rencontré Omar. Et lui a dit, Omar, il l'a vu, il lui a dit, Ma ahduka bilabsihima. Depuis quand tu as mis les chaussettes en cuir? Il a dit, depuis vendredi. Et il lui a dit, nous sommes aujourd'hui vendredi. Ça veut dire, ça fait combien? Ça fait 8 jours. Après, Omar, il lui a dit, Asabta sunnah. Asabta as-sunnah. C'est-à-dire, tu as fait comme la sunnah le veut. Ad-Daraqutni, lorsqu'il a authentifié le hadith, il n'a pas authentifié as-sunnah. Tayyib, ça c'est muhim. Car il a dit, Omar, asabta as-sunnah. C'est-à-dire, rafa al-hukma ila Nabi sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire, c'est comme si c'était le prophète Sa'asim qui avait dit. Mais s'il a dit, et Daraqutni, c'est ce qu'il dit, que Sunnah, c'est un rajout qui est faible, et Omar, il n'a pas dit Asabt Sunnah, mais il a dit Asabt, eh bien, ceci est quoi? Fait plus partie de. On peut considérer ceci comme étant un ijtihad de Omar. Vous comprenez? Mais nous disons que le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a ordonné de suivre les califes bien guidés, que Omar en fait partie. Et ceci est l'avis de Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah. Que la personne, lorsqu'il en a besoin, eh bien qu'il peut augmenter la période de l'essuyage. Et ceci, par exemple, une personne qui est dans un pays où il neige énormément, et qui est dans une grosse galère, et bien qu'il essuie plus que 3 jours, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Donc il faut bien sûr conditionner cela au fait que la personne en ait besoin, ou qu'il soit dans une mashaqqa, qu'il soit dans une difficulté, et qu'il en ait besoin. Ensuite, il dit l'auteur, rahimahullah, après avoir parlé du tawqid, il dit, وَلَا يَمْسَحْهُمَا إِلَّا فِي الْحَدَثِ الْأَصْغَرِ عَنْ أَنَسْ مَرْفُوعًا إِذَا تَوَضَّ أَحَدُكُمْ وَلَبِسَ خُفَّيْهِ فَلْيَمْسَحْ عَلَيْهِمَا وَلْيُصَلِّ فِيهِمَا وَلَا يَخْلَعْهُمَا إن شاء إلا من جنابه رواه الحاكم وصححه ورواه الدارقطني والبيهقي. Donc il a authentifié Al-Hakim, il dit, et il n'essuie pas dans les grandes ablutions. L'auteur, il dit, d'après Anas, il est rapporté que lorsque le prophète sallam a dit, lorsque l'un de vous fait les ablutions et qu'il a mis ses chaussettes en cuir, qu'il essuie dessus, et qu'il prie, et qu'il ne les enlève pas, s'il veut, que pour les grandes ablutions. Que pour les grandes ablutions. Donc ça, c'est une autre condition, qui est que al-mas'h ala al-khuffayn, il est uniquement pour les ablutions et non pas pour le ghusl. Il n'est uniquement pour les ablutions et non pas pour le ghusl. Et ceci, il y a le consensus. Il dit, le Hafid ibn Hajar, Al-mas'hu ala al-khuffayni khas bil-wudu, la madkhal lil-ghusli fihi bi-ijma'. Il dit que le fait d'essuyer sur les chaussettes en cuir ou sur les chaussettes épaisses, c'est uniquement pour les ablutions. Et qu'il n'y a pas pour le grande ablution, et ceci avec le consensus. Il rapporte aussi le consensus Ibn Qudama rahimahullah. Il dit, la yadzi al-mas'hu fi janabatin ولا غسل واجب ولا مستحب لا نعلم خلافا. Il dit, le fait d'essuyer sur les chaussettes n'est pas autorisé dans les grandes ablutions ou dans le fait de faire un lavage obligatoire ou recommandé, et ceci avec le consensus des savants. Ceci avec le consensus des savants. Maintenant, je vous pose une question. Si, mathalan, une personne, il a fait ses ablutions, il a lavé un pied. Mathalan, il a lavé un pied. Et il a mis un khouf. Puis il a lavé l'autre pied et il a mis le khouf. Est-ce que c'est bon? Il a lavé quand? En quel moment? En même temps. Yann, il a lavé le pied droit. Ensuite, tout de suite après, il a mis ses chaussettes épaisses. Ensuite, il a lavé le pied gauche, il a mis ses chaussettes épaisses. Oui. Il faut les ablutions complètes. Hassan, c'est une bonne calame, ça. Donc, il y a une divergence entre les savants aussi sur ça. Certains, ils disent que c'est bon. Mais le plus authentique et le plus préférable, c'est de... Parce que Nabi Sassin l'a dit, je les ai mises alors que j'étais pur. C'est-à-dire qu'il avait complété toutes ses ablutions. Donc le mieux, c'est de compléter toutes ses ablutions, puis de mettre al-khouf. Donc aussi, mes frères, il y a une divergence à propos de ma huwa al-afdal. Est-ce que l'afdal, c'est le mash ou le ghusl? Est-ce que le mieux pour les pieds, c'est qu'ils soient lavés ou que la personne, elle essuie sur ses pieds? Yani sur ses pieds couverts, je veux dire. Pas sur ses pieds qui ne sont pas couverts. Eh bien, il y a une divergence aussi. Al-Shafi'i, rahimahullah ta'ala, wa Abu Hanifa, il considère que le mieux, c'est de laver. C'est-à-dire que la personne, s'il a des chaussettes épaisses, sur lesquelles il peut faire le masque, eh bien, le mieux, il peut essuyer, mais le mieux pour lui, c'est d'enlever... Et de laver ses pieds. Vous comprenez? Quant à l'imam Ahmed, rahimahullah, il considère que le mash afdal, que le fait d'essuyer est meilleur. Tayyib? Et le meilleur avis des deux, eh bien, c'est de réunir entre les deux. Et c'est ceci qu'a dit Ibn al-Qayyim, rahimahullah. Il dit Ibn al-Qayyim, لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يتكلف ضد حاله أو حال قدمي. Donc le prophète, il dit, le prophète sallam, il ne faisait pas le contraire de la situation de ses pieds. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il dit إن كانت في خف مسح عليهما ولم ينزعهما وإن كانت مكشوفتين غسل قدمي ولم يلبس الخف ليمسح عليهما وهذا أعدل الأقوال. Il dit. Donc il dit, si c'est le meilleur, c'est quoi? C'est que si tes pieds, il y a des chaussettes épaisses ou des chaussettes en cuir, tu ne les enlèves pas pour laver tes pieds. T'essuies. Et c'est ceci que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais si tes pieds sont découverts, eh bien tu ne vas pas mettre le khouf pour essuyer. Le meilleur, c'est de faire comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui faisait selon la situation de son pied. Si son pied était couvert, il essuyait. Et si son pied était découvert, eh bien, il l'avait alayhi salatu wassalam. Il l'avait alayhi salatu wassalam. Donc les savants, ils ont donné d'autres conditions qui sont en rapport avec le fait d'essuyer sur la chaussette. Parmi ces conditions qu'ils ont citées, c'est qu'ils tiennent tout seul al-khouf. Qu'ils tiennent tout seuls, c'est-à-dire la chaussette ou la chaussette en cuir. Et ceci est une condition qui n'a pas de dalil, il n'y a pas de preuve sur cette condition. Donc c'est une condition que nous ne considérons pas. La deuxième condition aussi, c'est que la chaussette en cuir ou la chaussette doit recouvrir le pied complètement. Ce qui implique que il considère que tu ne peux pas essuyer sur la chaussette ou sur la chaussette en cuir ou la chaussette en laine qui est trouée. qui a un trou dedans. Et ceci est le contraire de la réalité, même s'il y a une divergence. Donc la majorité des savants, ils considèrent que tu ne peux pas essuyer sur des chaussettes qui sont trouées. Yani où il y a un trou apparent, c'est-à-dire que ton pied est apparent. Quant à Cheikh l'Islam Taymiyyah rahimahullah ta'ala, il autorise le fait d'essuyer sur les pieds qui sont couverts d'une chaussette en cuir ou d'une chaussette en laine qui est trouée. Et quelles sont ces preuves? La première, c'est que les textes sont généraux. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas précisé si les chaussettes devaient être trouées ou non. La deuxième chose, c'est que le hikma fi mashru'iyyati al-mash' raf'u al-haraj. C'est que la sagesse dans le fait que Allah nous ait autorisé d'essuyer sur les chaussettes en cuir et les chaussettes en laine épaisse, c'est pour lever la difficulté. Donc le fait qu'il y ait un petit trou dessus n'empêche pas le fait que la personne il essuie. Troisième chose qu'il dit, rahimahullah, c'est que la plupart des compagnons et des compagnonnes aussi, celles qui étaient au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, avaient des chaussettes qui étaient trouées, où ils étaient pauvres. Et ils n'avaient pas, ils avaient, la plupart, ils étaient des gens pauvres, et donc, ils n'avaient pas des chaussettes en cuir comme nous aujourd'hui, yani. Donc c'est pour ça qu'il dit, Soufiane Thawri, rahimahullah ta'ala, lorsqu'on lui a demandé sur le fait d'essuyer sur les chaussettes en cuir qui sont trouées, il a dit, « Imsah alayhima ma ta'allaqat bihi rijluk. » Il dit, tant que ton pied il est encore accroché sur la chaussette, essuie dessus. Yani, qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire que la majorité du pied est couvert. Tant que la majorité du pied est couvert, même si la chaussette elle est trouée en bas ou en haut, eh bien, tu peux essuyer dessus. وَهَلْ كَانَتْ خِفَافَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ إِلَّا مَخْرُوقَةً مُشَقَّقَةً. Il dit, n'est-ce pas que les chaussettes en cuir des muhajirin et des ansars, c'est-à-dire des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, étaient percées et étaient mushaqqaqa, il y avait des coupures dedans, des coupures. Donc, as-sahih, et le plus authentique, c'est que nous avons le droit d'essuyer sur une chaussette en cuir ou une chaussette en laine épaisse qui est trouée, même si elle est trouée, en haut ou en bas, que la personne il a le droit, tant que la majorité de son pied est couvert. Puis l'imam, rahimahullah ta'ala, l'imam Sa'd, il dit, « فَإِنْ كَانَ عَلَى الْأَعْضَاءِ أَوْ فَإِنْ كَانَ عَلَى أَعْضَاءِ وُضُوئِهِ جَبِيرَةً عَلَى الْكَسْرِ. » Donc il dit, s'il avait sur le membre, un membre de ses ablutions, une jabira, c'est-à-dire, nous on va citer comme une bande ou un plâtre, pour un bras cassé, « أَوْ دَوَى عَلَى الْجَرْحِ » ou pour, il a une bande parce qu'il a une blessure, وَيَدُرُّهُ الْغُسْلِ, et que s'il lave, cela va lui faire mal, ou va lui faire un mal. مَسَحَ بِالْمَا فِي الْحَدَثِ الْأَكْبَرُ وَالْأَصْغَرُ حَتَّى يَبْرَ. Il dit, il essuie sur, dessus, que ce soit dans les grandes ablutions ou dans les petites, jusqu'à ce qu'il guérisse. Jusqu'à ce qu'il guérisse. والجبيرة ما يجبر به العضو المكسور. الجبيرة, c'est ce qui répare, ce qui tient le membre qui est cassé. Et il est rapporté sur le جبيرة des hadiths fi sunan. Mais la majorité des hadiths qui sont rapportés sur le جبيرة, ce sont des hadiths qui sont faibles. Mais il est rapporté d'Ibn Omar, et que ce n'est pas un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est un athar d'Ibn Omar dans Sunan al-Bayhaqi, où il dit, أنه توضى وكفه معصوبة فمسح على العصائب وغسل سوى ذلك. العصائب, c'est ce que tu mets, t'accroches le bras avec. Donc il avait quelque chose sur sa main, il a passé sa main mouillée sur la bande et il a lavé le reste. Donc il y a un khata, il y a une grosse erreur que font beaucoup de gens, de musulmans malheureusement, c'est que lorsqu'il a un plâtre ou lorsqu'il a une bande, c'est qu'il direct, qu'est-ce qu'il fait? Ou lorsqu'il a un pansement, il fait tayammum. Et ça c'est un khata. Et il n'a pas le droit de faire ça normalement. Ce qu'il doit faire, c'est qu'il doit faire les ablutions normales. Simplement, lorsqu'il passe sur le plâtre, il mouille légèrement sa main et il passe dessus. Et il lave le reste du membre qui est dénudé. C'est-à-dire, si j'ai un... Par exemple, j'ai un plâtre dans mes deux doigts. Dans mes deux doigts. Eh bien, je ne peux pas laver mes deux doigts. Qu'est-ce que je fais? Je mouille ma main légèrement, je passe sur le plâtre de mes deux doigts, puis je lave normalement le reste du bras. Et c'est ceci qu'il faut faire, et non pas direct faire tayammum. Les gens, ils font ça. Ils vont directement faire tayammum. Donc, mes frères, il est autorisé de faire, d'essuyer sur al-jabira. C'est-à-dire ce qui est mis pour tenir un membre qui est blessé ou cassé. Et parmi les différences qu'il y a entre Al-Khouf ou Al-Jabira, c'est que premièrement, dans les Al-Khouf, dans les chaussettes en cuir et les chaussettes épaisses, eh bien, l'essuyage dessus est conditionné à quoi ? Est conditionné au fait que la personne ait les ablutions avant. Contrairement à Al-Jabira, à la bande ou au plâtre. Il n'est pas conditionné le fait d'essuyer dessus à quoi ? Au fait que tu aies les ablutions avant. Ce n'est pas conditionné. Deuxième chose, deuxième différence. Et l'auteur, il a cité la différence. C'est que le Jabira, elle est valable. L'essuyage dessus est valable jusqu'à 100 périodes précises. Lui, qu'est-ce qu'il dit l'auteur ? Hatta yabra, jusqu'à qu'il guérisse. Donc la personne, elle peut essuyer sur le Jabira un mois, deux mois. Contrairement aux chaussettes en cuir et aux chaussettes en laine où il doit essuyer une certaine période. Comme nous l'avons cité précédemment. Troisième différence entre le khouf et le plâtre et la bande. Il l'a cité aussi l'auteur, rahimahullah. C'est que al-mashu ala al-khuffain, le fait d'essuyer sur les chaussettes et les chaussettes en cuir, il est uniquement pour les ablutions. Et il n'est pas valable pour les grandes ablutions. Contrairement à l'essuyage sur la bande et le plâtre, qui est valable pour les petites ablutions comme les grandes. Vous comprenez? Donc tu peux essuyer dessus pour si tu as un bras cassé ou si tu as une blessure. Ensuite, l'auteur il dit, rahimahullah. وصفة المسح على وصفة مسح الخفين أن يمسح أكثر ظاهره أكثر ظاهرهما. C'est-à-dire que quelle est la manière d'essuyer sur les khouf? Eh bien, c'est d'essuyer la majorité de l'apparent. C'est-à-dire, nous parlons quand nous disons l'apparent du pied, c'est ce qui ne touche pas le sol, ce qui n'est pas au contact du sol. C'est ça l'apparent du pied. C'est tout le haut du pied. Et ce n'est pas le bas du pied. Il n'essuie pas le bas du pied. Même si il y a un hadith qui est rapporté par Abu Daoud qui est faible, où il est rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam masaha a'la al-khuf wa asfalih. Il est rapporté par Abu Daoud où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a essuyé. Et c'est pour ça que c'est un avis chez l'Ahnaf. Les Hanafites, ils disent que tu dois faire comme ça. Lorsque tu essuies, que tu dois essuyer le haut et le bas. du pied. Lorsque tu essuies ton pied. Mais le plus authentique et ce qui est connu, c'est que tu essuies le haut du pied. Et ceci d'après le hadith de Ali qui est rapporté par Abu Daoud, où il dit, لو كان الدين بالرأي, il dit, si la religion marchait avec la raison, eh bien nous aurons essuyé le bas de nos chaussettes en cuir avant d'essuyer le haut. Et il a dit, j'ai vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam essuyer le haut des chaussettes en cuir et pas le bas. Donc ceci est une preuve quoi ? Que la personne lorsqu'il essuie, il essuie sur le haut du pied et non pas sur l'endroit sur lequel il marche. Est-ce qu'il y a une autre manière d'essuyer ? Est-ce qu'il y a une manière d'essuyer les choufs ? Ou est-ce que la personne qui essuie ses chaussettes en cuir, il essuie une par une ? Il n'y a pas une preuve claire. Mais le plus apparent, c'est que Al-Nabi sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith de Mughira ibn Shu'ba, il dit « Masaha alayhima ». Donc il a essuyé sur eux, yani en parlant des deux. Donc certains savants, ils ont pris de cette parole qu'il faut essuyer le khouf en même temps. C'est-à-dire que la main droite essuie le pied gauche et la main gauche essuie la main droite. La main droite essuie le pied droit et la main gauche essuie le pied gauche. C'est-à-dire il essuie en même temps « Masaha alayhima ». En même temps, ça veut dire. D'autres, ils considèrent que tu essuies le droit, ensuite le gauche. Wa ala kulli hal, le mieux, c'est de essuyer dessus en même temps. Comme il a été, même si le hadith n'est pas sarih, mais yadullu ala annahu masaha alayhima jami'an. C'est ce que disent certains savants. Ensuite, il dit wa amma al-jabiratu فَيُمْسَحُ عَلَى جَمِيعِهَا. En ce qui concerne le plâtre ou la bande, et ça c'est une autre différence entre le khouf et entre les chaussettes en cuir et les chaussettes en laine épaisse et la bande et le plâtre. Quelle est-elle cette différence ? C'est que la personne, il essuie les chaussettes en cuir ou les chaussettes en laine épaisse qu'une partie. Alors que lorsque c'est le plâtre et la bande, il doit essuyer tout le plâtre et toute la bande. C'est-à-dire que tu essuies tout. Comme si tu essuyais ton bras. Donc il dit « Wa amma al-jabiratu fayamsahu ala jami'iha ». C'est-à-dire qu'il l'essuie complètement. Inch'Allah ta'ala, il nous reste un point à citer avant de terminer. Et c'est celui qui a enlevé ses chaussettes en cuir ou ses chaussettes en laine épaisse alors qu'il avait les ablutions. Donc maintenant moi, j'ai essuyé sur mes chaussettes épaisses. Ensuite, j'ai envie d'enlever mes chaussettes. Ou bien, à la mosquée, ils interdisent, j'arrive dans une mosquée où c'est écrit interdit aux chaussettes. Parce que c'est le hala, le tapis. Ça veut dire que tu dois enlever les chaussettes. Moi, j'ai essuyé sur mes chaussettes. Qu'est-ce que je dois faire ? Est-ce que je dois refaire mes ablutions ? Est-ce que je peux prier directement ? Donc, il y a une divergence entre les savants à ce sujet. Il est rapporté de l'imam Ahmed que cela annule les ablutions. Lorsque tu enlèves tes chaussettes en cuir ou tes chaussettes en laine épaisse, eh bien, cela annule tes ablutions. Donc qu'est-ce que tu dois faire ? Tu dois refaire tes ablutions. Quant à l'imam Shafi'i rahimahullah ta'ala, il considère que si tu as enlevé tes chaussettes alors que tu avais les ablutions, tes chaussettes en cuir ou tes chaussettes en laine épaisse, eh bien il te suffit de relaver tes pieds uniquement. C'est-à-dire que tu vas, tu laves tes pieds, khlas, et tu vas, tu pries. Quant au troisième avis, qui est l'avis de Cheikh l'Islam Taymiyyah entre autres, c'est que tu n'annules pas tes ablutions et que tu peux prier directement. Même si tu as enlevé tes chaussettes en cuir ou tes chaussettes en laine épaisse. Taïb ? Et ceci est le meilleur avis et l'avis le plus authentique. Pourquoi ? Car il est rapporté de Ali. Et ceci est rapporté dans Sunan al-Bayhaqi wa ad-Dharqutni, où il dit que Ali a uriné debout. Le hadith, il dit, ou l'athar, il dit où Ali a uriné debout. Puis il a demandé qu'on lui apporte de l'eau et il a fait ses ablutions et il a essuyé sur ses chaussettes en cuir. Thumma dakhala al-masjid. Puis il est rentré dans la mosquée. Fa khala'ahuma thumma salla. C'est-à-dire qu'il a enlevé ses chaussettes en cuir et il a prié directement. Donc qu'est-ce qu'il a fait, Ali ? Est-ce qu'il a refait les ablutions ? Est-ce qu'il a lavé ses pieds ? Non, il a fait la prière directement. Deuxième chose que nous pouvons dire aussi, c'est que la personne, elle a ses ablutions, elle garde ses ablutions. Al-Asl, c'est que la personne, elle garde ses ablutions jusqu'à ce qu'il y ait une preuve qui prouve que la chose qu'elle a fait, elle annule ses ablutions. Et là, il n'y en a pas. Il n'y a aucune preuve qui prouve que la personne qui enlève ses chaussettes en cuir ou ses chaussettes en laine épaisse, eh bien, doit refaire ses ablutions ou elle doit ou bien doit relaver ses pieds. Il n'y a aucune preuve là-dessus. Donc la personne, elle, la base, c'est qu'elle garde ses ablutions. Donc la personne qui a enlevé ses chaussettes en cuir ou ses chaussettes en laine, après qu'elle a essuyé dessus, eh bien, elle n'annule pas ses ablutions. Et ceci est la vie le plus authentique. Wallahu ta'ala a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك